إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, au dernier passage de cet épître, dans lequel l'auteur, Al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah ta'ala, nous a mentionné quelques conseils pour celui qui est éprouvé par des gens qui l'ont dénigré. Il a donc intitulé ce passage « Faslun fil ilaj » au sujet du remède, c'est-à-dire de la manière de remédier aux nuisances qui sont causées par ceux qui ont pu ruser contre toi. Comment faire face à cela? Il dit, rahimahullah, وَمَنْ بُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْمَكْرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهِ وَيَسْتَعِنْ بِهِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلتَّقْوَى. Celui qui est éprouvé par une de ses ruses ou un de ses complots, alors qu'il fasse preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il implore son aide et qu'il fasse preuve de patience, car certes, la fin heureuse est pour la piété. Dans cette courte phrase, l'auteur rahimahullah ta'ala t'a résumé la manière d'agir lorsque tu es victime de ce genre de ruse, de complot, de dénigrement. La première chose à faire et que tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala, que tu fasses preuve de piété. En effet, l'homme peut être éprouvé par une injustice. Il est possible qu'on lui attribue une parole qu'il n'a pas dite. Il est possible qu'on le décrive d'une manière qui n'est pas réelle. Il est possible qu'on interprète ses propos d'une manière qu'il n'a pas visée. Il est possible également que des gens se réunissent contre lui et cherchent à lui nuire. L'auteur, rahimahullah ta'ala, t'indique donc ici comment faire face à cela. Et il te dit que la première chose à faire est de faire preuve de piété, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser ses interdits. Car, dans cette situation, il se pourrait que la personne cherche à se venger et en vienne ainsi à dépasser les limites. Donc la première chose, si tu veux que cette épreuve soit pour toi un bien, et si tu souhaites t'en sortir de la meilleure manière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors fais preuve de piété. Ne transgresse pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et n'enfreins pas ses interdits. Et implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, sans l'aide d'Allah, nul parmi nous ne pourrait sortir d'une quelconque épreuve. Nous avons tous besoin, constamment, de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes choses. Et ceci est encore plus perceptible lors des moments de difficulté. Donc, tu fais preuve de piété et tu implores l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te sorte de cette difficulté, afin qu'il te sorte de cette épreuve, afin qu'il t'aide à faire preuve de piété, afin qu'il t'aide à te soumettre à ses ordres, afin qu'il t'aide à ne pas enfreindre ses interdits et ainsi de suite. Tu as besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant. Donc, implore son aide. Ensuite, il dit, et fais preuve de patience. Ne t'indigne pas face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais preuve de patience. Sois endurant face à cette épreuve, cette ruse ou ce complot. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, car certes, la bonne fin, la fin heureuse, est pour la piété. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. La bonne fin est pour les pieux. وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى. La bonne fin est pour la piété. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Zumar, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Et certes, les endurants recevront leur récompense sans compter. Les endurants, ceux qui font preuve de patience, ils recevront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala leur récompense sans compter. Donc lorsque tu es éprouvé ici-bas, que ce soit par une de ces choses que l'on vient de mentionner, ou toute autre épreuve, fais preuve de patience et rappelle-toi que la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est une récompense immense. Une récompense que tu ne peux même pas t'imaginer. Car Allah subhanahu wa ta'ala donne aux patients leur récompense sans compter. Il n'a pas donné un chiffre précis quant à cette récompense ou une description précise. Mais il nous indique qu'ils recevront leur récompense sans compter. C'est-à-dire que c'est une récompense immense qu'on ne peut s'imaginer. Donc, celui qui se trouve dans une telle situation, il n'y a pas de doute que s'il lui est possible de se défendre, de laver son honneur et de répondre à l'injustice de manière légiférée, alors il n'y a pas de gêne en cela. Il n'y a pas de gêne à réfuter le faux qui est propagé à son encontre. Toutefois, tu dois prendre garde à ne pas dépasser les limites religieuses. C'est-à-dire, en cherchant à te défendre, à ne pas devenir toi l'injuste. Car nombre de personnes, lorsqu'ils subissent une injustice, ils cherchent à se venger. Ils cherchent, comme on dit dans le langage familier, à régler leur compte. Et au final, ils passent d'opprimé à oppresseur. À la base, c'était lui la victime de l'injustice. Il s'est fait dénigrer. Et tellement il en veut à cette personne qui l'a dénigré ou qui a menti à son sujet, qu'il enfreint les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de cette personne. Qu'il mente à son sujet, qu'il calomnie, qu'il la dénigre de manière disproportionnée, et ainsi de suite. C'est pour cela que la première chose que l'auteur rahimahullah ta'ala nous a dit est que tu fasses preuve de piété à l'égard d'Allah, que tu craignes Allah, que tu te soumettes à ses ordres et n'enfreignes pas ses interdits. Et parmi les choses qui aident à la patience, il y a le fait que tu te rappelles que cette personne, cet injuste qui t'a dénigré, qui a menti à ton sujet, qui a rusé contre toi, ces choses qu'il t'a fait subir, il n'a pu te les faire subir que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce qui se produit fait partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Donc, si tu te rappelles de cela, tu sauras qu'il n'est pas utile de chercher à t'en prendre à cette personne, mais qu'il convient plutôt de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, car tout est entre ses mains. C'est lui qui a décrété pour toi cette épreuve, et c'est entre ses mains que se trouve l'issue de cette épreuve. Tu dois donc revenir à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et l'invoquer. Et également, parmi les choses qui vont t'aider à patienter, il y a le fait que tu te rappelles que ces épreuves, elles ont pour but de distinguer parmi les serviteurs le menteur du véridique, l'hypocrite du croyant, et ainsi de suite. Donc tu te dois de faire face à cela d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les choses qui vont t'aider à patienter dans cette situation est que tu te rappelles de tes péchés. Car cette personne qui a été injuste envers toi, ceci est une épreuve qui a été décrétée contre toi en raison de tes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ » Toute calamité qui vous atteint, elle provient de ce que vos mains ont acquis, des péchés que tu as commis, et Allah pardonne beaucoup. Donc, si tu te rappelles de cela, tu sauras que cette épreuve, ce dénigrement dont tu as été victime, cette injustice que tu as subie, elle est en réalité la conséquence de tes péchés. Donc, au lieu de chercher à t'en prendre à celui qui t'a dénigré, au lieu de chercher à te venger, à le blâmer, à chercher à lui causer du tort à ton tour, préoccupe-toi plutôt de ta propre personne, en te repentant de tes péchés, en revenant à Allah subhanahu wa ta'ala, d'un repentir sincère et en multipliant l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois savoir que celui qui, lorsqu'il subit des préjudices de la part des gens, délie sa langue sur eux, les blâme et les dénigre, et oublie de se remettre en question, de revenir à Allah, de se repentir, et oublie que ceci provient de ses péchés, alors sache que celui-ci, sa calamité, est une calamité réelle, car il en a oublié sa propre personne. Alors que celui qui se repent a conscience que ceci provient de ses péchés et implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors pour lui cette calamité elle se transformera en quoi ? Elle se transformera en bienfait, car elle lui aura permis de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'améliorer sa situation, de se corriger, de s'améliorer. Donc au final, ce qui en apparence était un mal sera pour lui un bien, car cela lui aura permis de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte à ce sujet deux belles paroles de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « Le serviteur ne doit avoir de l'espoir qu'en son Seigneur, et il ne doit avoir peur que de ses péchés. » C'est-à-dire que tout mal qui t'atteint ici-bas, c'est la conséquence de tes péchés. Donc c'est de tes péchés que tu dois avoir peur. Tu ne dois pas craindre les nuisances des gens. Tu ne dois pas craindre les paroles, les regards ou les actes que les gens pourraient faire contre toi afin de te causer du tort. Mais tu dois craindre tes péchés. Car, quelle que soit l'injustice que tu subis, celle-ci n'est que la conséquence de tes péchés. Et on rapporte de lui, radiyallahu ta'ala anhu, une seconde parole qui est « Aucune épreuve n'atteint la personne si ce n'est en raison d'un péché. Et celle-ci n'est dissipée que par le repentir. » C'est-à-dire que toute épreuve qui t'atteint, elle n'est que la conséquence de tes péchés. Et si tu souhaites dissiper cette épreuve, t'en sortir, alors repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Remets-toi en question. Fais un bilan avec toi-même. Médite sur tes erreurs, sur tes péchés. Et reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras cette épreuve se dissiper. Et ici, j'attire votre attention également sur un point très important. C'est que celui qui est éprouvé par ce genre de choses, par ce genre d'injustice, que les gens le dénigrent, mentent à son sujet, sont injustes envers lui. Si ceci est la conséquence d'œuvres qu'il a accomplies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, les gens lui causent du tort parce qu'il cherche à emprunter la voie de la droiture. Alors il se peut que certaines personnes de son entourage soient jalouses et se mettent à le dénigrer, à le rabaisser. Ou alors, une femme s'est mise à se couvrir d'un voile légiféré et certaines personnes la dénigrent pour cette raison et pour cet acte qu'elle a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans cette situation, tu dois savoir qu'il ne te convient pas de te venger de ces personnes, mais il t'incombe plutôt de faire preuve de patience. Car ceux-ci sont des préjudices que tu subis sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois patienter et espérer la récompense de ton Seigneur. Et comme on l'a dit, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. En vérité, les patients recevront leur récompense sans compter. Après cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a donné quelques exemples parmi les versets du Coran au sujet des récits de certains des prophètes, alayhimu salatu wa salam. Il a dit, كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ قَصَّ قِصَّةَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَذَى بِالْمَكْرِ وَالْمُخَادَعَةِ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir raconté le récit de Yusuf alayhi salam et ce qu'il a subi comme différentes sortes de préjudices, de ruses, de nuisances, il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, c'est ainsi que nous avons affermi l'autorité de Yusuf sur terre. Pour ceux qui ont suivi avec nous les cours durant le mois de Ramadan sur les récits du Coran, nous avons vu certains passages de la vie de Yusuf alayhi salam. Comment ses frères ont rusé contre lui jusqu'à le jeter dans le puits. Comment il a été vendu en tant qu'esclave. Comment il s'est retrouvé dans la maison de l'intendant d'Égypte. Et la femme a rusé contre lui. Comment après il s'est retrouvé en prison durant de longues années, ainsi de suite. Pour qu'au final, suite à sa patience, face à ses nombreuses épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala a affermi son autorité. C'est-à-dire que ces épreuves était une préparation à ce moment où il allait être honoré. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit ensuite, « Wa qala Allah ta'ala hikayatan anhu, annahu qala li ikhwatihi. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet, au sujet de Yusuf alayhi salam, qu'il a dit à ses frères, « Ana Yusuf, wa hada akhi. » Je suis Yusuf et voici mon frère. « Qad manna Allahu alayna. » Certes, Allah nous a favorisés. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Certes, quiconque fait preuve de piété et de patience, alors Allah ne fait certainement pas perdre la récompense des bienfaisants. Celui qui est bienfaisant, qui agit de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il est éprouvé, qui fait preuve de piété, c'est-à-dire qu'il se soumet aux ordres d'Allah et délaisse les interdits d'Allah, et qui fait preuve de patience, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne fera certainement pas perdre la récompense à cette personne. Il trouvera sa pleine récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'invite ceux qui n'ont pas écouté les cours sur le récit de Yusuf alayhi salam à y revenir pour profiter des nombreuses leçons que contient ce récit. Car on voit à travers celui-ci la grande piété de Yusuf alayhi salam et comment celui-ci a été endurant lors des différentes épreuves qu'il a subies pour à la fin être élevé et honoré. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit « وَقَالَ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمَا حَصَلَ لَهُ وَلِقَوْمِهِ مِنْ أَذَى فِرْعَوْنَ وَكَيْدِهِ » Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet du récit de Moussa alayhi salam et ce que ce dernier ainsi que son peuple ont subi comme nuisance de la part de Pharaon. Cela aussi on l'a vu durant le mois de Ramadan dans les récits du Coran. Toutes les épreuves qu'ont subi Moussa alayhi salam et les enfants d'Israël. Comment Pharaon était un tyran. Il ordonnait de tuer leurs fils et de maintenir en vie leurs filles. Il les soumettait à des travaux difficiles et ainsi de suite. Face à ces épreuves, qu'est-ce que Moussa alayhi salam dit à son peuple? Ista'inu billahi wasbiru. Inna al-ard lillah yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal-'aqibatu lil-muttaqin. Implorez l'aide d'Allah et soyez patient. Implorez l'aide d'Allah afin qu'il vous aide à supporter cette épreuve et qu'il vous sorte de cette épreuve, qu'il vous accorde une issue. Et soyez patient. Malgré ces épreuves, restez ferme sur votre religion. Restez ferme dans l'obéissance à Allah. Restez ferme dans le délaissement des interdits d'Allah. Ce n'est pas parce que tu es éprouvé que ceci doit être une cause pour te faire transgresser les ordres d'Allah ou enfreindre les interdits d'Allah. Mais fais preuve de patience. La terre appartient à Allah, il en fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin heureuse sera au pieux. La fin heureuse sera au pieux. Donc il t'incombe dans cette situation de patienter et espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous mentionne un autre point qui également te permet de faire face à ce genre de situation et t'aide à patienter. Il dit وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَكْرَ يَعُودُ وَبَالُهُ عَلَى صَاحِبِهِ Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala il a informé que la ruse, son mal, elle revient contre son auteur. C'est-à-dire que le mal de sa ruse se retourne contre lui. Il cherchait à te causer du tort, mais en réalité, il ne se cause du tort qu'à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ La ruse perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. C'est-à-dire que son mal se retourne contre ses auteurs, tôt ou tard. Il goûtera au mal de cette ruse tôt ou tard. Et sache qu'en te dénigrant, en te rabaissant, en te diffamant, en te calomniant, même si, en apparence, il peut te porter atteinte, en vérité, il ne fait que se causer du tort à lui-même. Et son mal se retournera contre lui tôt ou tard. Tu dois avoir la certitude de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, qui est le verset 123 de Surat al-An'am, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y mènent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients, ils ne se rendent pas compte. Allahu Akbar. Ils rusent, ils mènent des complots, mais en réalité, tout ceci, c'est contre eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte. Ils mènent des complots en appelant à la voix du diable, en combattant les gens de la vérité, que ce soit par les paroles ou les actes. Mais leurs complots et leurs ruses, ils se retournent contre eux-mêmes. Car ils rusent, ils mènent des complots, mais Allah déjoue leurs complots. Wallahu khayrul makirin. Et Allah est le meilleur en stratagème. Donc celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait preuve de piété, de patience et qui implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avoir la certitude qu'il sortira de cette épreuve honoré. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Wal-waqi'u yashhadu bidhalik » Et l'actualité, l'histoire, ce qui se passe concrètement témoigne de cela. En effet, si tu médites sur nombre de personnes qui ont rusé contre leurs frères, tu verras que leur mal ne s'est retourné que contre eux-mêmes. Et ces gens finissent souvent avilis s'ils ne reviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et ne se repentent pas de leurs péchés, de leurs erreurs, de leurs complots, de leurs ruses, de leurs mensonges et ainsi de suite. Leur mal et leur ruse se retournent contre eux, ils en finissent avilis, et celui qu'ils voulaient rabaisser et qu'ils voulaient humilier, il se retrouve au final honoré par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala dit « فَإِنَّ مَنْ صَبَرَ أَخْبَارَ النَّاسِ وَتَوَارِيخَ الْعَالَمِ وَقَفَ عَلَى أَخْبَارِ مَنْ مَكَرَ بِأَخِيهِ فَعَادَ مَكْرُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِنَجَاتِهِ وَسَلَامَتِهِ عَلَى الْعَجَبِ الْعُجَابِ » Il dit « Celui qui se plonge dans les récits des gens et l'histoire du monde, il verra de nombreux récits et de nombreuses histoires de ceux qui ont rusé contre leurs frères et leur ruse s'est retournée contre eux-mêmes. Et ceci a été une cause du salut de celui qui était victime de ce complot. Et ce, d'une manière vraiment surprenante. Parfois d'une manière de laquelle tu ne t'y attends pas. Et comme on a dit, il n'y a qu'à méditer sur le récit de Youssouf alayhi salam à ce sujet. Comment ses frères ont rusé contre lui, et comment à la fin, il s'est retrouvé honoré, alayhi salatu wassalam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit وَلَوْ ذَكَرْنَا بَعْضَ مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ لَطَالَ الْكِتَابِ وَاتَّسَعَ الْخِطَابِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَعَلَيْهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَهُوَ حَزْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. Et dit, ici nous avons mentionné certains événements qui se sont produits à ce sujet, le livre aurait été bien trop long. Et certes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde le suivi de ce qui est juste. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Et qu'Allah couvre d'éloges et salue notre prophète Muhammad ainsi que sa famille et ses compagnons. Et c'est ainsi que l'épître de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, intitulé « La différence entre le conseil et le dénigrement se termine ». On remercie donc Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de lire ensemble cette épître. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.